Les pyramides par Gérard de Nerval. Chapitre 1er, l'Ascension. Avant de partir, j'avais résolu de visiter les pyramides, et j'allais revoir le consul général pour demander des avis sur cette excursion. Il voulut absolument faire encore cette promenade avec moi, et nous nous dirigeâmes vers le vieux Caire. Il me parut triste pendant le chemin, et toussait beaucoup, d'une toux sèche, lorsque nous traversâmes la plaine de Carafet. Je le savais malade depuis longtemps. Il m'avait dit lui-même qu'il voulait du moins voir les pyramides avant de mourir. Je croyais qu'il s'exagérait sa position. Mais lorsque nous fûmes arrivés au bord d'une île, il me dit « Je me sens déjà fatigué. Je préfère rester ici. Prenez la cange que j'ai faite préparer, et je vous suivrai des yeux, et je croirai être avec vous. » Je vous prie seulement de compter le nombre exact des marches de la grande pyramide, sur lequel les savants sont en désaccord, et si vous allez jusqu'aux autres pyramides de Saqqara, je vous serai obligé de me rapporter une momie d'Ibis. Je voudrais comparer l'ancien Ibis égyptien avec cette race dégénérée des courlis que l'on rencontre encore sur les rives du Nil. » Je dus alors m'embarquer seul à la pointe de l'île de Rhoda, pensant avec tristesse à cette confiance des malades qui peuvent rêver avec des collections de momies sur le bord de leur propre tombe. La branche du Nil entre Rhoda et Gizeh a une telle largeur qu'il faut une demi-heure environ pour la passer. Quand on a traversé Gizeh, sans trop s'occuper de son école de cavalerie et de ses fours à poulet, sans analyser ses décombres, dont les gros murs sont construits par un art particulier, avec des vases de terre superposés et pris dans la maçonnerie, bâtisses plus légères et plus aérées que solides, on a encore devant soi deux lieux de plaine cultivée à parcourir avant d'atteindre les plateaux stériles où sont posées les grandes pyramides sur la lisière du désert de Libye. Plus on approche, plus ces colosses diminuent. C'est un effet de perspective qui tient sans doute à ce que leur largeur égale leur élévation. Pourtant, lorsqu'on arrive au pied, dans l'ombre même de ces montagnes faites de mains d'hommes, on admire et l'on s'épouvante. Ce qu'il faut gravir pour atteindre au faîte de la première pyramide, c'est un escalier dont chaque marche a environ 1 mètre de haut. Une tribu d'Arabes s'est chargée de protéger les voyageurs et de les guider dans leur ascension sur la principale pyramide. Dès que ces gens aperçoivent un curieux qui s'achemine vers leur domaine, ils accourent à sa rencontre au grand galop de leurs chevaux, faisant une fantasia toute pacifique et tirant en l'air des coups de pistolet pour indiquer qu'ils sont à son service, tout prêts à le défendre contre les attaques de certains bédouins pillards qui pourraient par hasard se présenter. Aujourd'hui, cette supposition fait sourire les voyageurs, rassurés d'avance à cet égard. Mais au siècle dernier, ils se trouvaient réellement mis à contribution par une bande de faux brigands qui, après les avoir effrayés et dépouillés, rendait les armes à la tribu protectrice, laquelle touchait ensuite une forte récompense pour les périls et les blessures d'un simulacre de combat. On m'a donné 4 hommes pour me guider et me soutenir pendant mon ascension. Je ne comprenais pas trop d'abord comment il était possible de gravir des marches dont la première seule m'arrivait à la hauteur de la poitrine. Mais en un clin d'œil, 2 des Arabes s'étaient élancés sur cette assise gigantesque et m'avaient saisi chacun un bras. Les 2 autres me poussaient sous les épaules et tous les 4, à chaque mouvement de cette manœuvre, chantait à l'unisson le verset arabe terminé par ce refrain antique « Eleison ». Je comptais ainsi 207 marches, et il ne fallut guère plus d'un quart d'heure pour atteindre la plateforme. Si l'on s'arrête un instant pour reprendre haleine, on voit venir devant soi des petites filles, à peine couvertes d'une chemise de toile bleue, qui, de la marche supérieure à celle que vous gravissez, tendent à la hauteur de votre bouche des gargoulettes de terre de Thèbes dont l'eau glacée vous rafraîchit pour un instant. Rien n'est plus fantasque que ces jeunes bédouines grimpant comme des singes avec leurs petits pieds nus, qui connaissent toutes les anfractuosités des énormes pierres superposées. Arrivés à la plateforme, on leur donne un bakchis, on les embrasse, puis l'on se sent soulevé par les bras de 4 Arabes qui vous portent en triomphe aux 4 points de l'horizon. La surface de ces pyramides est de 100 mètres carrés environ. Des blocs irréguliers indiquent qu'elle ne s'est formée que par la destruction d'une pointe semblable sans doute à celle de la seconde pyramide, qui s'est conservée intacte et que l'on admire à peu de distance avec son revêtement de granit. Les 3 pyramides de Khéops, de Khéphren et de Mycérinus étaient également parées de cette enveloppe rougeâtre qu'on voyait encore au temps d'Hérodote. Elles ont été dégarnies peu à peu lorsqu'on a eu besoin au Caire de construire les palais des califes et des soudans. La vue est fort belle, comme on peut le penser, du haut de cette plateforme. Le Nil s'étend à l'Orient depuis la pointe du delta jusqu'au-delà de Saqqara, où l'on distingue 11 pyramides plus petites que celles de Gizeh. À l'Occident, La chaîne des montagnes libyques se développe en marquant les ondulations d'un horizon poudreux. La forêt de palmiers, qui occupe la place de l'ancienne Memphis, s'étend du côté du Midi comme une ombre verdâtre. Le Caire, adossé à la chaîne aride du Mokattam, élève ses dômes et ses minarets à l'entrée du désert de Syrie. Tout cela est trop connu pour prêter longtemps à la description. Mais, en faisant trêve à l'admiration et en parcourant des yeux les pierres de la plateforme, on y trouve de quoi compenser les excès de l'enthousiasme. Tous les Anglais qui ont risqué cette ascension ont naturellement inscrit leur nom sur les pierres. Des spéculateurs ont eu l'idée de donner leur adresse au public, et un marchand de cirage de Piccadilly a même fait graver avec soin sur un bloc entier les mérites de sa découverte garantie par l'Improved Patent de Londres. Il est inutile de dire qu'on rencontre le Credville voleur. Si passé de mode aujourd'hui, la charge de bouginier et autres excentricités transplantées par nos artistes voyageurs comme contraste à la monotonie des grands souvenirs. Chapitre 2e, la plateforme. J'ai peur de devoir admettre que Napoléon lui-même n'a vu les pyramides que de la plaine. Il n'aurait pas, certes, compromis sa dignité jusqu'à se laisser enlever dans les bras de quatre arabes, comme un simple ballot qui passe de main en main, et il se sera borné à répondre d'en bas par un salut aux 40 siècles qui, d'après son calcul, le contemplaient à la tête de notre glorieuse armée. Après avoir parcouru des yeux tout le panorama environnant, et lu attentivement ces inscriptions modernes qui prépareront des tortures aux savants de l'avenir, je me préparais à redescendre lorsqu'un monsieur blond, d'une belle taille, haut en couleur et parfaitement ganté, franchit, comme je l'avais fait peu de temps avant lui, la dernière marche du quadruple escalier et m'adressa un salut fort compassé que je méritais en qualité de premier occupant. Je le pris pour un gentleman anglais. Quant à lui, il me reconnut pour français tout de suite. Je me repentis aussitôt de l'avoir jugé légèrement. Un anglais ne m'aurait pas salué. Attendu qu'il ne se trouvait sur la plateforme de la pyramide de Khéops, personne qui pût nous présenter l'un à l'autre. « Monsieur, me dit l'inconnu avec un accent légèrement germanique, je suis heureux de trouver ici quelqu'un de civilisé. Je suis simplement un officier aux gardes de Sa Majesté le roi de Prusse. J'ai obtenu un congé pour aller rejoindre l'expédition de M. Lepsius, et comme elle a passé ici depuis quelques semaines, je suis obligé de me mettre au courant, en visitant ce qu'elle a dû voir. » Ayant terminé ce discours, il me remit sa carte en m'invitant à l'aller voir si jamais je passais à Potsdam. Mais, ajouta-t-il, voyant que je me préparais à redescendre, « vous savez que l'usage est de faire ici une collation. Ces braves gens qui nous entourent s'attendent à partager nos modestes provisions. Et si vous avez appétit, je vous offrirai votre part d'un pâté dont un de mes Arabes s'est chargé. » En voyage, on fait vite connaissance, et en Égypte surtout, au sommet de la grande pyramide, tout Européen devient pour un autre un Franc, c'est-à-dire un compatriote. La carte géographique de notre petite Europe perd de si loin ses nuances tranchées. Je fais toujours une exception pour les Anglais qui séjournent dans une île à part. La conversation du Prussien me plut beaucoup pendant le repas. Il avait sur lui des lettres donnant les nouvelles les plus fraîches de l'expédition de M. Lepsius, qui, dans ce moment-là, explorait les environs du lac Meurice et les cités souterraines de l'ancien labyrinthe. Les savants berlinois avaient découvert des villes entières cachées sous les sables et bâties de briques, des Pompéi et des Herculanums souterraines qui n'avaient jamais vu la lumière, et qui remontait peut-être à l'époque des troglodytes. Je ne pus m'empêcher de reconnaître que c'était pour les érudits prussiens une noble ambition que d'avoir voulu marcher sur les traces de notre Institut d'Égypte, dont ils ne pourront du reste que compléter les admirables travaux. Le repas sur la pyramide de Khéops est en effet forcé pour les touristes, comme celui qui se fait d'ordinaire sur le chapeau de la colonne de Pompée à Alexandrie. J'étais heureux de rencontrer un compagnon instruit et aimable qui me l'eût rappelé. Les petites bédouines avaient conservé assez d'eau dans leurs cruches de terre poreuse pour nous permettre de nous rafraîchir et ensuite de faire des grogues au moyen d'un flacon d'eau-de-vie qu'un des Arabes portait à la suite du Prussien. Cependant, le soleil était devenu trop ardent pour que nous puissions rester longtemps sur la plateforme. L'air pur et vivifiant que l'on respire à cette hauteur nous avait permis quelque temps de ne point trop nous en apercevoir. Il s'agissait de quitter la plateforme et de pénétrer dans la pyramide dont l'entrée se trouve à un tiers environ de sa hauteur. On nous fit descendre 130 marches par un procédé inverse à celui qui nous les avait fait gravir. Deux des quatre Arabes nous suspendaient par les épaules du haut de chaque assise et nous livraient aux bras étendus de leurs compagnons. Il y avait quelque chose d'assez dangereux dans cette descente, et plus d'un voyageur s'y est rompu le crâne ou les membres. Cependant, nous arrivâmes sans accident à l'entrée de la pyramide. C'est une sorte de grotte aux parois de marbre, à la voûte triangulaire, surmontée d'une large pierre qui constate, au moyen d'une inscription française, l'ancienne arrivée de nos soldats dans ce monument. C'est la carte de visite de l'armée d'Égypte, sculptée sur un bloc de marbre de 16 pieds de largeur. Pendant que je lisais avec respect, l'officier prussien me fit observer une autre légende marquée plus bas en hiéroglyphe, et chose étrange, tout fraîchement gravée. Il savait le sens de ces hiéroglyphes modernes inscrits d'après le système de la grammaire de Champollion. « Cela signifie, me dit-il, que l'expédition scientifique envoyée par le roi de Prusse et dirigée par Lepsius a visité les pyramides de Gizeh et espère résoudre avec le même bonheur les autres difficultés de sa mission. » Nous avions franchi l'entrée de la grotte. Une vingtaine d'arabes barbus, aux ceintures hérissées de pistolets et de poignards, se dressèrent du sol où ils venaient de faire leur sieste. Un de nos conducteurs, qui semblait diriger les autres, nous dit « Voyez comme ils sont terribles. Regardez leurs pistolets, leurs fusils. Est-ce qu'ils veulent nous voler ? Au contraire, ils sont ici pour vous défendre dans les cas où vous seriez attaqués par les hordes du désert. » On disait qu'il n'en existait plus depuis l'administration de Mohamed Ali. Oh, il y a encore bien des méchants gens là-bas derrière les montagnes. Cependant, au moyen d'une colonnade, vous obtiendrez des braves que vous voyez là d'être défendus contre toute attaque extérieure. L'officier prussien fit l'inspection des armes et ne parut pas édifié, touchant leur puissance destructive. Il ne s'agissait au fond pour moi que de 5 francs 50, ou d'un thaler et demi pour le prussien. Nous acceptâmes le marché, en partageant les frais et en faisant observer que nous n'étions pas dupes de la supposition. « Il arrive souvent, dit le guide, que des tribus ennemies font invasion sur ce point, surtout quand elles soupçonnent la présence de riches étrangers. Il est certain que la chose n'est pas impossible, et que ce serait une triste situation que de se voir pris enfermé dans l'intérieur de la grande pyramide. La colonnade, piastre d'Espagne, donnée aux gardiens, nous assurait du moins qu'en conscience, ils ne pourraient nous faire cette trop facile plaisanterie. Mais quelle apparence que ces braves gens y eussent songé même un instant. L'activité de leurs préparatifs, 8 torches allumées en un clin d'œil, l'attention charmante de nous faire précéder de nouveau par les petites filles hydrophores dont j'ai parlé, tout cela, sans doute, était bien rassurant. Il s'agissait d'abord de courber la tête et le dos, et de poser les pieds adroitement sur 2 rainures de marbre qui règnent des 2 côtés de cette descente. Entre les 2 rainures, il y a une sorte d'abîme aussi large que l'écartement des jambes, et où il s'agit de ne point se laisser tomber. On avance donc pas à pas, jetant les pieds de son mieux à droite et à gauche, soutenu un peu, il est vrai, par les mains des porteurs de torches, et l'on descend ainsi toujours courbé en 2 pendant environ 150 pas. À partir de là, le danger de tomber dans l'énorme fissure qu'on se voyait entre les pieds cesse tout à coup et se trouve remplacé par l'inconvénient de passer à plat ventre sous une voûte obstruée en partie par les sables et les cendres. Les Arabes ne nettoient ce passage que moyennant une autre colonnade, accordée d'ordinaire par les gens riches et corpulents. Quand on a rampé quelque temps sous cette voûte basse, en cédant des mains et des genoux, on se relève à l'entrée d'une nouvelle galerie qui n'est guère plus haute que la précédente. Au bout de 200 pas que l'on fait encore en montant, on trouve une sorte de carrefour dont le centre est un vaste puits profond et sombre, autour duquel il faut tourner pour gagner l'escalier qui conduit à la chambre du roi. En arrivant là, les Arabes tirent des coups de pistolet, allument des feux de branchage pour effrayer, à ce qu'ils disent, les chauves-souris et les serpents. La salle où on en est, voûtée en dodane, a 17 pieds de longueur et 16 de largeur. En revenant de notre exploration, assez peu satisfaisante, nous dûmes nous reposer à l'entrée de la grotte de marbre, et nous nous demandions ce que pouvait signifier cette galerie bizarre que nous venions de remonter avec ces 2 rails de marbre séparés par un abîme aboutissant plus loin à un carrefour au milieu duquel se trouve le puits mystérieux dont nous n'avions pu voir le fond. L'officier prussien, en consultant ses souvenirs, me soumit une explication assez logique de la destination d'un tel monument. Nul n'est plus fort qu'un Allemand sur les mystères de l'Antiquité. Voici, selon sa version, à quoi servait la galerie basse ornée de rails que nous avions descendue et remontée si péniblement. On asseyait dans un chariot l'homme qui se présentait pour subir les épreuves de l'initiation. Le chariot descendait par la forte inclinaison du chemin. Arrivé au centre de la pyramide, l'initié était reçu par des prêtres inférieurs qui lui montraient le puits en l'engageant à s'y précipiter. Le néophyte hésitait naturellement, ce qui était regardé comme une marque de prudence. Alors on lui apportait une sorte de casque surmonté d'une lampe allumée, et muni de cet appareil, il devait descendre avec précaution dans le puits où il rencontrait çà et là des branches de fer sur lesquelles il pouvait poser les pieds. L'initié descendait longtemps, éclairé quelque peu par la lampe qu'il portait sur la tête. Puis, à 100 pieds environ de profondeur, il rencontrait l'entrée d'une galerie fermée par une grille qui s'ouvrait aussitôt devant lui. 3 hommes paraissaient bientôt, portant des masques de bronze à l'imitation de la face d'Anubis, le dieu chien. Il fallait ne point s'effrayer de leurs menaces, et marcher en avant en les jetant à terre. On faisait ensuite une lieue environ, et l'on arrivait dans un espace considérable qui produisait l'effet d'une forêt sombre et touffue. Dès que l'on mettait le pied dans l'allée principale, tout s'illuminait à l'instant et produisait l'effet d'un vaste incendie. Mais ce n'était rien que des pièces d'artifice et des substances bitumeuses entrelacées dans des rameaux de fer. Le néophyte devait traverser la forêt au prix de quelques brûlures et y parvenait généralement. Au-delà se trouvait une rivière qu'il fallait traverser à la nage. À peine en avait-il atteint le milieu, qu'une immense agitation des eaux, déterminée par le mouvement de deux roues gigantesques, l'arrêtait et le repoussait. Au moment où ses forces allaient s'épuiser, il voyait paraître devant lui une échelle de fer qui semblait devoir le tirer du danger et de périr dans l'eau. Ceci était la 3e épreuve. À mesure que l'initié posait un pied sur chaque échelon, celui qu'il venait de quitter se détachait et tombait dans le fleuve. Cette situation pénible se compliquait d'un vent épouvantable qui faisait trembler l'échelle et le patient à la fois. Au moment où il allait perdre toutes ses forces, il devait avoir la présence d'esprit de saisir 2 anneaux d'acier qui descendaient vers lui et auxquels il lui fallait rester suspendu par les bras, jusqu'à ce qu'il vît s'ouvrir une porte à laquelle il arrivait par un effort violent. C'était la fin des 4 heures élémentaires. L'initié arrivait alors dans le temple, tourné autour de la statue d'Isis et se voyait reçu et félicité par les prêtres. Chapitre 3e, les épreuves. Voilà avec quel souvenir nous cherchions à repeupler cette solitude imposante. Entourés des Arabes qui s'étaient remis à dormir en attendant pour quitter la grotte de marbre, que la brise du soir eût rafraîchi l'air, nous ajoutions les hypothèses les plus diverses aux faits réellement constatés par la tradition antique. Ces bizarres cérémonies des initiations tant de fois décrites par les auteurs grecs, qui ont encore pu les voir s'accomplir, prenaient pour nous un grand intérêt, les récits se trouvant parfaitement en rapport avec la disposition des lieux. « Il serait beau, dis-je à l'Allemand, d'exécuter et de représenter ici la flûte enchantée de Mozart. Comment un homme riche n'a-t-il pas la fantaisie de se donner un tel spectacle? Avec fort peu d'argent, on arrivera à déblayer tous ses conduits. Il suffirait ensuite d'amener en costume exact toute la troupe italienne du théâtre de guerre. Imaginez-vous la voix tonnante de Zarathustra, résonnant du fond de la salle des pharaons, ou la reine de la nuit apparaissant sur le seuil de la chambre dite de la reine et lançant à la voûte sombre ses trilles éblouissants. Figurez-vous les sons de la flûte magique à traverser long corridor, et les grimaces et l'effroi de Papageno, forcé, sur les pas de l'initié son maître, d'affronter le triple Anubis, puis la forêt incendiée, puis ce sombre canal agité par les roues de fer, puis encore cette échelle étrange, dont chaque marche se détache à mesure qu'on monte et fait retentir l'eau d'un clapon sinistre. Il serait difficile, dit l'officier, d'exécuter tout cela dans l'intérieur même des pyramides. Nous avons dit que l'initié suivait à partir du puits une galerie d'environ 1 lieue. Cette voie souterraine le conduisait jusqu'à un temple situé aux portes de Memphis, dont vous avez vu l'emplacement du haut de la plateforme. Lorsque, ces épreuves terminées, il revoyait la lumière du jour, la statue d'Isis restait encore voilée pour lui. C'est qu'il lui fallait subir une dernière épreuve toute morale, dont rien ne l'avertissait et dont le but lui restait caché. Les prêtres l'avaient porté en triomphe comme devenu l'un d'entre eux. Les chœurs et les instruments avaient célébré sa victoire. Il fallait encore se purifier par un jeûne de 41 jours, avant de pouvoir contempler la grande déesse, veuve d'Osiris. Ce jeûne cessait chaque jour au coucher du soleil, et on lui permettait de réparer ses forces avec quelques onces de pain et une coupe d'eau du Nil. Pendant cette longue pénitence, l'initié pouvait converser, à de certaines heures, avec les prêtres et les prêtresses, dont toute la vie s'écoulait dans les cités souterraines. Il avait le droit de questionner chacun et d'observer les mœurs de ce peuple mystique qui avait renoncé au monde extérieur et dont le nombre immense épouvanta Sémiramis la victorieuse lorsqu'en faisant jeter les fondations de la Babylone d'Égypte, le vieux Caire, elle vit s'effondrer les voûtes d'une de ces nécropoles habitées par des vivants. Et après les 41 jours, que devenait l'initié? Il avait encore à subir 18 jours de retraite où il devait garder un silence complet. Il lui était permis seulement de lire et d'écrire. Ensuite, on lui faisait subir un examen où toutes les actions de sa vie étaient analysées et critiquées. Cela durait encore 12 jours. Puis on le faisait coucher 9 jours encore derrière la statue d'Isis, après avoir supplié la déesse de lui apparaître dans ses songes et de lui inspirer la sagesse. Enfin, au bout de 3 mois environ, les épreuves étaient terminées. L'aspiration du néophyte vers la divinité, aidée des lectures, des instructions et du jeûne, l'amenait à un tel degré d'enthousiasme qu'il était digne enfin de voir tomber devant lui les voiles sacrées de la déesse. Là, son étonnement était au comble en voyant s'animer cette froide statue, dont les traits avaient pris tout à coup la ressemblance de la femme qu'il aimait le plus, ou de l'idéal qu'il s'était formé de la beauté la plus parfaite. Au moment où il tendait les bras pour la saisir, elle s'évanouissait dans un nuage de parfums. Les prêtres entraient en grande pompe et l'initié était proclamé pareil au dieu. Prenant place ensuite au banquet des sages, il lui était permis de goûter aux mets les plus délicats et de s'enivrer de l'ambroisie terrestre qui ne manquait pas à ses fêtes. Un seul regret lui était resté, c'était de n'avoir admiré qu'un instant la divine apparition qui avait daigné lui sourire. Ses rêves allaient la lui rendre. Un long sommeil, dû sans doute au suc du lotus exprimé dans sa coupe pendant le festin, permettait au prêtre de le transporter à quelques lieux de Memphis, au bord du lac célèbre qui porte encore le nom de Karum Karon. Une cange le recevait toujours endormi et le transportait dans cette province du Fayoum, oasis délicieuse, qui aujourd'hui encore est le pays des roses. Il existait là-bas une vallée profonde, entourée de montagnes en partie aussi séparée du reste du pays par des abîmes creusés de mains d'hommes, où les prêtres avaient su réunir les richesses dispersées de la nature entière. Les arbres de l'Inde et du Yémen y mariaient leur feuillage touffu et leurs fleurs étranges aux plus riches végétations de la terre d'Égypte. Des animaux apprivoisés donnaient de la vie à cette merveilleuse décoration, et l'initié, déposé là, tout endormi sur le gazon, se trouvait à son réveil dans un monde qui semblait la perfection même de la nature créée. Il se levait, respirant l'air pur du matin, renaissant au feu du soleil qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il écoutait le chant cadencé des oiseaux, admirait les fleurs embaumées, la surface calme des eaux bordées de papyrus et constellées de lotus rouges, où le flamant rose et l'ibis traçaient leurs courbes gracieuses. Mais quelque chose manquait encore pour animer la solitude. Une femme, une vierge innocente, si jeune, qu'elle semblait elle-même sortir d'un rêve matinal et pur, si belle, qu'en la regardant de plus près on pouvait reconnaître en elle les traits admirables d'Isis entrevus à travers un nuage. Telle était la créature divine qui devenait la compagne et la récompense de l'initié triomphant. Ici, je crus devoir interrompre le récit imagé du savant berlinois. « Il semble, lui dis-je, que vous me racontez là l'histoire d'Adam et d'Ève. »« À peu près, » répondit-il. « En effet, la dernière épreuve, si charmante mais si imprévue, de l'initiation égyptienne était la même que Moïse a racontée au chapitre de la Genèse. Dans ce jardin merveilleux existait un certain arbre dont les fruits étaient défendus aux néophytes admis dans le paradis. Il était tellement certain que cette dernière victoire sur soi-même était la clause de l'initiation qu'on a trouvé dans la Haute Égypte des bas-reliefs âgés de 4000 ans, représentant un homme et une femme sous un arbre dont cette dernière offre le fruit à son compagnon de solitude. Autour de l'arbre est enlacé un serpent, représentation de Typhon, le dieu du mal. En effet, il arrivait généralement que l'initié qui avait vaincu tous les périls matériels se laissait prendre à cette séduction dont le dénouement était son exclusion du paradis terrestre. Sa punition devait être alors d'errer dans le monde et de répandre dans les nations étrangères les instructions qu'il avait reçues des prêtres. S'il résistait, au contraire, ce qui était bien rare, à la dernière tentation, il devenait l'égal d'un roi. On le promenait en triomphe dans les rues de Memphis, et sa personne était sacrée. C'est pour avoir manqué cette épreuve que Moïse fut privé des honneurs qui l'attendaient. Blessé de ce résultat, il se mit en guerre ouverte avec les prêtres égyptiens, lutta contre eux de science et de prodiges, et finit par délivrer son peuple au moyen d'un complot dont on sait le résultat. Le Prussien qui m'en racontait tout cela était évidemment un fils de Voltaire. Cet homme en était encore au scepticisme religieux de Frédéric II. Je ne pus m'empêcher de lui en faire l'observation. « Vous vous trompez, » me dit-il. « Nous autres protestants, nous analysons tout. Mais nous ne sommes pas moins religieux. » S'il paraît démontré que l'idée du paradis terrestre, de la pomme et du serpent, a été connue des anciens Égyptiens, cela ne prouve nullement que la tradition n'en soit pas divine. Je suis même disposé à croire que cette dernière épreuve des mystères n'était qu'une représentation mystique de la scène qui a dû se passer au premier jour du monde. Que Moïse ait appris cela des Égyptiens dépositaires de la sagesse primitive, ou qu'il se soit servi en écrivant la Genèse des impressions qu'il avait lui-même connues, Triptolème, Orphée et Pythagore subirent aussi les mêmes épreuves. L'un a fondé les mystères d'Éleusis, l'autre ceux des Kabyres de Samothrace, le troisième les associations mystiques du Liban. Orphée eut encore moins de succès que Moïse. Il manqua la quatrième épreuve, dans laquelle il fallait avoir la présence d'esprit de saisir les anneaux suspendus au-dessus de soi, quand les échelons de fer commençaient à manquer sous les pieds. Il retomba dans le canal, dont on le tira avec peine, et au lieu de parvenir au temple, il lui fallut retourner en arrière et remonter jusqu'à la sortie des pyramides. Pendant l'épreuve, sa femme lui avait été enlevée par un de ces accidents naturels dont les prêtres créent aisément l'apparence. Il obtint, grâce à son talent et à sa renommée, de recommencer les épreuves et les manqua une seconde fois. C'est ainsi qu'Eurydice fut perdue à jamais pour lui et qu'il se vit réduit à la pleurer dans l'exil. Avec ce système, dis-je, il est possible d'expliquer matériellement toutes les religions. Mais qui gagnerons-nous? Rien. Nous venons seulement de passer 2 heures en causant d'origine et d'histoire. Maintenant le soir vient. Il s'agit de chercher un gîte. Nous passâmes la nuit dans une locanda italienne située près de là, et le lendemain on nous conduisit sur l'emplacement de Memphis situé à près de 2 lieues vers le midi. Les ruines y sont méconnaissables, et d'ailleurs le tout est recouvert par une forêt de palmiers, au milieu de laquelle on rencontre l'immense statue de Sésostris, haute de 60 pieds, mais couchée à plat ventre dans le sable. Parlerai-je encore de Saqqara, où l'on arrive ensuite, de ses pyramides plus petites que celles de Gizeh, parmi lesquelles on distingue la grande pyramide de briques construite par les Hébreux. Un spectacle plus curieux est l'intérieur des tombeaux d'animaux qui se rencontrent dans la plaine en grand nombre. Il y en a pour les chats, pour les crocodiles et pour les ibis. On y pénètre fort difficilement, en respirant la cendre et la poussière, ou se traînant parfois dans des conduits où l'on ne peut passer qu'à genoux. Puis on se trouve au milieu de vastes souterrains, où sont entassés par millions et symétriquement rangés tous ces animaux que les bons Égyptiens se donnaient la peine d'embaumer et d'ensevelir ainsi que des hommes. Chaque momie de chat est entortillée de plusieurs zones de bandelettes, sur lesquelles d'un bout à l'autre sont inscrites en hiéroglyphes probablement la vie et les vertus de l'animal. Il en est de même des crocodiles. Quant aux ibis, leurs restes sont enfermés dans des vases en terre de Thèbes, rangés également sur une étendue incalculable, comme des pots de confiture dans une office de campagne. Je pus remplir facilement la commission que m'avait donnée le consul. Puis je me séparai de l'officier prussien, qui continuait sa route vers la Haute-Égypte, et je revins au Caire en descendant le Nil dans une cange. Je me hâtais d'aller porter au consulat l'ibis obtenu au prix de tant de fatigue, mais on m'apprit que pendant les 3 jours consacrés à mon exploration, notre pauvre consul avait senti s'aggraver son mal et s'était embarqué pour Alexandrie. J'ai appris depuis qu'il était mort en Espagne. Chapitre 4e. Départ. Je quitte avec regret cette vieille cité du Caire où j'ai retrouvé les dernières traces du génie arabe, et qui n'a pas menti aux idées que je m'en étais formé d'après les récits et les traditions de l'Orient. Je l'avais vu tant de fois dans les rêves de la jeunesse qu'il me semblait y avoir séjourné dans je ne sais quel temps. Je reconstruisis mon Caire d'autrefois au milieu des quartiers déserts ou des mosquées croulantes. Il me semblait que j'imprimais les pieds dans la trace de mes pas anciens. J'allais, je me disais, en détournant ce mur, en passant cette porte, je verrai telle chose. Et la chose était là, ruinée mais réelle. N'y pensons plus. Ce Caire-là gît sous la cendre de la poussière. L'esprit et les progrès modernes en ont triomphé comme la mort. Encore quelques mois, et des rues européennes auront coupé à angle droit la vieille ville, poudreuse et muette, qui croule en paix sur les pauvres fellahs. Ce qui reluit, ce qui brille, ce qui s'accroît, c'est le quartier des Francs, la ville des Italiens, des Provençaux et des Maltais, l'entrepôt futur de l'Inde anglaise. L'Orient d'autrefois achève d'user ses vieux costumes, ses vieux palais, ses vieilles mœurs, mais il est dans son dernier jour. Il peut dire, comme un de ses sultans, « Le sort a décoché sa flèche. C'est fait de moi, je suis passé. » Ce que le désert protège encore en l'enfouissant peu à peu dans ses sables, c'est, hors des murs du Caire, la ville des tombeaux, la vallée des califes qui semble, comme Herculanum, avoir abrité des générations disparues, et dont les palais, les arcades et les colonnes, les marbres précieux, les intérieurs peints et dorés, les enceintes, les dômes et les minarets, multipliés avec folie, n'ont jamais servi qu'à recouvrir des cercueils. Ce culte de la mort est un trait éternel du caractère de l'Égypte. Il sert du moins à protéger et à transmettre au monde l'éblouissante histoire de son passé. Ainsi s'achève Les Pyramides par Gérard de Nerval.